José, ça fonctionne comment cette caméra? Attends, papa, tu tiens bien comme ça. Voilà, mais moi je la vois. Ah, le musicien est en retard. Attends. Le musicien est en retard, ça c'est pas bon. Ah, regarde les enfants là qui courent. Ah, José, regarde, je vais le faire encore. Je vais le faire encore. Évora, les effluves de rhum dans ta voix me font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenu muette, ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus? Évora, Évora, tu ne m'aimes plus ou quoi? Évora, Évora, après tant d'années. Évora, Évora, une de perdue, c'est ça. Évora, Évora, je te retrouverai, c'est sûr. C'est sûr, bah oui, c'est sûr. C'est sûr, bah oui, c'est sûr. C'est sûr, bah oui, c'est sûr. Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés. Même que ton œil disait merde à l'autre, et surtout à moi. Mais pourquoi moi, alors que les autres? T'es trouvé bien trop laide. Peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter. Évora, Évora, tu ne m'aimes plus ou quoi? Évora, Évora, après tant d'années. Évora, Évora, une de perdue, c'est ça. Évora, Évora, je te retrouverai, c'est sûr. Évora, c'est sûr, ben oui, c'est sûr. C'est sûr, ben oui, c'est sûr. Évora, c'est sûr, ben oui, c'est sûr. Chapeau pour la route à pied, nuet et nuété, diva au pied nu restera. Et à vie, Césaria, et à la mort aussi. Aux brigades, tu en brigade, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde. À vous, Césaria, tu nous as tous quand même bien nus. Hein, tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Sacré, Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Évora, Évora, Évora, Évora, Évora, Évora, Évora, Évora, Évora. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Évora, Évora, après tant d'années. Évora, Évora, une de perdue, c'est ça. Évora, Évora, je te retrouverai, c'est sûr. Évora, c'est sûr, bah oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr, bah oui, c'est sûr. Évora, c'est sûr, bah oui, c'est sûr. Oh, so now. Yeah.